La maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée a fait paraître le tome 16 des œuvres complètes de Kim Jong-il, collection synthétique des idées du Juche, idées de Sun Gun, qui réunit systématiquement et intégralement les œuvres classiques du général Kim Jong-il selon l'ordre chronologique. Le tome présente 80 œuvres de portée historique, comme ses entretiens, discours et conclusions, publiés dans l'espace du mois d'août au mois de décembre de l'an 60 du Juche, 1971.